Quel magnifique empire de miel, perles et de soie, de plaisir, de saphir qui s'agglutine en moi. Quelle lumière fait rosir le palpitant des rois, va-t-elle m'évanouir en m'effleurant du doigt? À présent que je vois qu'elle a tout pour plaire, silencieusement devrais-je apprendre à me taire? L'enchantement d'ouïr le filet de sa voix, les syllabes et les rires en scintillant de joie. À présent que je vois qu'elle a tout pour plaire, silencieusement devrais-je apprendre à me taire. Bonheur d'applaudir les jours, les nuits, les mois qui fanent en souvenir en s'accrochant parfois. À présent que je vois qu'elle a tout pour plaire, silencieusement devrais-je apprendre à me taire.